suis la fière comme un roi près de toi, plus brillante que la plus jolie pépite, un peu perdue sans mes repères. Je t'attendais le cœur à ciel ouvert, impatient, puis avec l'air de ne pas en avoir l'air, tu as bousculé tout mon univers, simplement. Comme la première fois. Tu es là dans mes bras, tu me laisses sans voix devant ce temps qui passe si vite. Je suis la fière comme un roi, mais déjà pour un autre il faudra que tu me quittes. Ton amour chargé de mystère fait fondre même les cœurs de pierre. Les rêves font tourner la terre, malgré le feu, malgré les guerres, simplement. Tu n'es pas la première à poser sur mon cœur un éclat de lumière aux 100 000 couleurs. Comme la première fois. Comme la première fois.